Ce panneau indique que l'accès de la chaussée est interdit aux véhicules ayant une longueur, chargement compris, supérieure à la dimension indiquée.